والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. Pour cela, la récompense sera donc un paradis de leur Seigneur et des jardins وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين et des jardins au fond desquels coulent des fleuves et où ils resteront immortels, et combien excellente est la rétribution de ceux qui œuvrent. Pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah est large. Dans la sourate 4, le verset 147, Allah il dit « Ma yaf'alullahu bi'azabikum in shakartum wa amantum » Ma yaf'alullah, Allah qu'a-t-il donc à faire de votre châtiment si vous lui témoignez de la gratitude et que vous croyez ?« Wa kanallahu shakiran alima » Et Allah vous sera gré de votre foi et il est très savant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, écoutez cette parole étonnante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ » par celui qui tient mon âme dans ses mains. « لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا » si vous n'aviez pas commis des péchés, « لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ » par celui qui tient mon âme dans ses mains, si vous n'aviez pas commis de péchés, Allah vous aurait remplacé par un peuple de pécheurs qui auraient commis des péchés, qui auraient commis des fautes et demandé pardon à Allah le Très-Haut afin qu'il puisse leur pardonner. Ce hadith est authentique. En plus, même quand quelqu'un commet un péché sans s'en repentir, ses enfants n'endossent pas ce péché. Lui seul doit rendre compte de son péché, et lui seul sera châtié à cause de son péché. Aucun être ayant un fardeau à porter ne portera celui d'un autre. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى Allah dit dans verset 164, la sourate 6, ce verset constitue une règle fondamentale dans la jurisprudence islamique. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, aucune âme ayant à porter la charge d'une faute ne portera la charge d'une autre. Aucune âme ayant à porter la charge d'une faute ne portera la charge d'une autre. À aucune âme, si vous voulez, à aucune âme pécheresse ne seront imputés les péchés d'une autre, mais ce ne sera qu'en conséquence de ses propres fautes qu'elle sera châtiée. Allah a guidé Adam et l'a élu. Il l'a élu prophète. Il a appelé sa descendance, Adam a appelé sa descendance à la religion droite, au tawhid. Adam n'était pas cet être égaré, sans principe. Il n'était pas cet être qui erre sur terre, sans but, en proie au doute et au scepticisme. Il n'est pas cet animal ou ce singe. Mais, dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté d'une intelligence, il l'a doté d'une prime nature, il l'a prédisposé à l'adorer et lui a appris les noms de toutes les choses. Il était donc savant. Adam adorait Allah unique, sans associé. À son époque, personne n'adorait les statues, personne n'y avait plus, il n'y avait pas, à l'époque de Adam, les idées païennes et l'idolâtrie. L'idolâtrie est apparue plus tard, quand l'homme s'est égaré, quand l'homme a choisi cette voie de Satan, cette voie mauvaise. Au départ, la première société humaine était exempte de l'adoration des statues ou d'autres objets. Revenons au verset qui dit « قَالَ اهْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ » Allah dit « Descendez ennemis les uns à l'égard des autres, vous aurez sur terre établissement et jouissance jusqu'à un terme donné. » Sourate 2 et le verset 36. Allah, il a insisté sur un point, il a dit dans la sourate 35 et le verset 6, « Certes, Satan est pour vous un ennemi, considérez-le donc comme tel. »« Inna shaytana lakum adou, fattakhizouhu adouwa. » La terre est le lieu du combat entre les alliés d'Allah et les alliés de Satan. Conflit entre le bien et le mal. La terre est le lieu de la mise à l'épreuve. pour faire distinguer le bon du mauvais, le croyant du mécréant, le pieux du pervers, le monothéiste du polythéiste, les partisans de la couverture et de la pudeur, les partisans et les partisans de la nudité et de la débauche, ceux qui appellent à la dignité de la femme et ceux qui appellent à l'humiliation de la femme. Donc c'est un conflit entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du démon. Allah il dit dans Surat al-Mulk, la royauté Surat 67, le verset 2, « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve. Qui d'entre vous serait le meilleur en œuvre? C'est cette terre et le lieu de la mise à l'épreuve. Allah met à l'épreuve les hommes, les uns à l'égard des autres. Satan a juré, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 15, la sourate Hijr, les versets 39 et 40. Seigneur, puisque tu m'as égaré, je les leurrai en embellissant à leurs yeux leurs crimes sur terre. Puis je les égarerai tous ensemble, à l'exception de tes adorateurs dévoués. Sa stratégie, c'est d'embellir le mal, de le parer aux yeux des humains. Il a accepté les adorateurs qui se dévouent à Allah, parce qu'il sait qu'il n'a aucun pouvoir sur eux. Tu n'auras certes aucun pouvoir sur mes serviteurs. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, a dit Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exception des illusionnés qui t'auront suivi. Surat 15, le verset 42. Il n'a aucun pouvoir sur eux. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui connaissent leur origine, connaissent leur créateur, connaissent la raison de leur existence, connaissent leur destination et œuvrent en conséquence. Quand Allah a appelé, ou quand Allah a parlé de l'histoire de Adam avec Satan et son expulsion du paradis vers la terre dans la sourate 7, sourate Al-A'raf, il nous a recommandé d'en tirer les leçons. Il nous a appelé à tirer les leçons de cette histoire. Et il a dit, ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher votre nudité. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher votre nudité comme plumage. L'habit constitué par la crainte de Dieu est bien préférable. Autant de signes d'Allah destinés à vous faire méditer. Donc Allah, il a parlé des vêtements extérieurs, du vêtement matériel et du vêtement, si vous voulez, moral, qui est la crainte de Dieu et la piété. Parce que celui qui est nu extérieurement, il est obligatoirement, ou qui appelle à l'exhibitionnisme, il est et à la nudité, celui qui est nu extérieurement, il est nu spirituellement. Donc Allah, il a parlé de deux formes de nudité, la nudité extérieure, apparente, et la nudité intérieure, et la nudité relative au cœur. Nudité, c'est-à-dire une nudité, un cœur dépourvu de toute crainte d'Allah, un cœur dépourvu qui se dépouille de cette nature, de cette prime nature qui pousse l'homme à se couvrir, à être pudique, dépourvu de pudeur, de chasteté, et de toutes ses valeurs morales. C'est donc un cœur, un esprit nu. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha, ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher votre nudité et comme plumage. L'habit constitué par la crainte de Dieu est bien préférable. Autant de signes d'Allah destinés à vous faire méditer. Ya bani Adam, la yaftinannakum الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. Ô fils d'Adam, que le Satan ne vous tente donc pas, comme il le fait quand il provoqua l'expulsion de votre père et mère du paradis en les dépouillant de tout vêtement afin de faire apparaître leur nudité à leurs yeux. Ya bani Adama, la yafsinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah yanzi'u 'anhumā libāsahumā liyurahumā sawātihimā. Innahu yarakum huwa wa qabīluhu min haythu lā tarawnahum. Vraiment, il vous voit, lui et sa cohorte, alors même que vous ne les voyez pas. En vérité, nous avons fait des satans les affidés de ceux qui ne croient pas. Inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil-ladhina la yu'minun. Les satans, les démons, ils inspirent toujours des mauvaises choses, des mauvaises doctrines, des mauvaises philosophies à ceux qui ne croient pas. Comme l'exemple par exemple de Darwin, de Freud, de Durkheim et de tous les philosophes de l'égarement. Vous savez pourquoi Allah a insisté sur ce point, la couverture de la nudité? Parce que c'est par là qu'est entré Satan pour égarer les hommes. Allah a insisté sur ce point. Juste après avoir parlé de l'expulsion de Adam et de son épouse, notre mère Ève, du paradis, il a insisté, il nous a demandé de tirer les leçons et de saisir surtout cette leçon-là qui est la couverture, la pudeur. Il a dit, parce que la couverture de la nudité, c'est par là, c'est la lacune par où est entré Satan pour égarer les hommes. C'est en utilisant cette arme, la nudité, que Satan a paganisé les esprits, les cultures et les religions et a mené l'homme à adorer en dehors d'Allah les objets de désir tels que le pouvoir, l'argent et le sexe. Et ça, on le voit chez les pharaons d'Égypte, la Grèce antique et la civilisation romaine. Beaucoup, tout le monde le sait. Et le mouvement de la nudité, surtout en Occident aujourd'hui, n'est que le prolongement naturel de l'appartenance à cette civilisation, la civilisation de la Grèce antique. Il porte en son sein la sanctification des objets du désir et l'adoration des jouissances, ce qui donne au corps un grand pouvoir dans la conception des choses et dans les prises de position, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine commercial ou dans les médias. Et par là, la femme a été exploitée. Elle a été exploitée au nom de la liberté. Mais la liberté de quoi? La liberté d'être nue, la liberté d'être perverse, la liberté de travestir sa prime nature, la liberté sexuelle. Et les conséquences, on les voit aujourd'hui. La femme est aujourd'hui au plus bas des plus bas. Elle est l'objet de loisirs, un gadget sexuel. Il y a maintenant ce qu'on appelle la psychologie commerciale, qui a pour rôle de téléguider les réactions des consommateurs et jouer sur leurs pulsions pour faire écouler les marchandises. La femme, dans tout ça, elle est l'élément essentiel, l'élément idéal. Elle est mise dans des positions dégradantes, moitié nue ou entièrement nue, dans des affiches, dans des spots publicitaires. Dans quel but? Est-ce au nom de l'épanouissement, de la valorisation de la femme? Non, le but c'était pour vendre. C'était pour vendre. Et c'est ça. Et ça, la liberté qu'ils appellent la liberté de la femme. Et ça, la vraie liberté. Est-ce que c'est ça la dignité de la femme? Non, pas du tout. Ils usent de cette nudité pour vendre, pour consommer, pour soutirer de l'argent du consommateur. Ils se servent, il y a des lobbies maintenant qui se servent de ces images dévalorisantes des femmes pour conditionner le consommateur à ne se voir lui-même que comme consommateur. On l'a servi et on l'enferme dans l'idéologie de Satan. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie? Le grand titre de cette idéologie, il faut vivre pour manger. Il faut vivre pour manger. C'est par là qu'a réussi Satan à s'infiltrer et à égarer Adam. Le plaisir du ventre. قَالَ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَى. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 20, te guiderai-je, oh Adam, te guiderai-je vers l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Mange de cet arbre et tu vas être éternel. Voilà, Satan et ses alliés C'est par là qu'il entre, qu'il s'infiltre pour égarer les hommes. Ils utilisent l'image dévalorisante de la femme, ils utilisent la nudité de la femme pour réduire l'homme dans une idéologie, c'est qu'il est consommateur. Il n'est pas un être humain, il n'est pas cet être humain doté d'une prime nature, il n'est pas cet être humain prédisposé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne vit pas en tant qu'homme, mais en tant que consommateur. Voilà la devise de Satan. Le corporel au détriment du spirituel. Comme plumage, a dit Allah. Pourquoi Allah a qualifié le vêtement de plumage? Le vêtement sur le corps de l'homme et surtout la femme, il a qualifié ce vêtement de plumage. Il a dit, Ya Bani Adama, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher votre nudité, pardon, et comme plumage. Si on déplume un oiseau, si on le déplume, il perd sa beauté. Imaginez-vous déplumer un paon. Ça y est, il perd cette beauté-là. N'est-ce pas? Il devient malheureux. Parce qu'il n'est plus comme il doit être, il ne peut plus voler. Ben, c'est exactement le sort de la femme quand on la dénude. En la dénudant, on la déplume. Elle perd sa beauté, elle perd sa dignité, elle souffre. Elle ne peut plus voler. Elle ne peut plus voler vers son Seigneur. Elle reste terre à terre. On l'exploite. Il y a un proverbe, si vous voulez, qui dit une femme pour vendre égale une femme à vendre. C'est le but essentiel de Satan. Déplumer, dénuder, changer la création d'Allah, travestir les natures. Tout ce par quoi Allah a privilégié l'homme, Satan veut le changer, le modifier. Allah a prédisposé les hommes à l'adorer, à l'aimer. Satan fait tout pour changer cette nature. Et il a juré de le faire. Je les égarerai, a-t-il dit. Je leur inspirerai de vains espoirs. Wala udillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum, fala yubattikunna azan al-an'am, wala amurannahum, fala yughayyirunna khalq Allah. Je les égarerai. Je leur inspirerai de vains espoirs. Je leur ordonnerai des ordres en sorte qu'ils couperont les oreilles des bestiaux. Et je leur donnerai. Ça, c'est une pratique païenne. Et je leur donnerai encore des ordres en sorte qu'ils modifient la création d'Allah. C'est ça son but, comme il le dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate les femmes, le verset 119. Changer la création d'Allah, travestir l'être humain, travestir sa nature, masculiniser la femme et féminiser les hommes. Allah a créé Adam, a créé à partir de lui Ève et l'a mariée avec elle. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhannasu attaqu rabbakum, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Humain, créez votre Seigneur qui vous a créé, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une âme unique et a créé de celle-ci son épouse et de l'une et de l'autre, il a créé des hommes en nombre et des femmes. Craignez Allah par qui vous vous sollicitez mutuellement et craignez de rompre les liens matriciels. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Prémunissez-vous, si vous voulez autrement, prémunissez-vous envers Allah. De qui vous vous réclamez de votre mutuelle sollicitation et aussi envers les matrices. Nous devons prémunir envers les matrices, c'est-à-dire les utérus féminins. Satan a tout fait pour faire sortir ses descendants de ce cadre, les descendants de Adam, de sorte que la femme se définit hors du cadre de mariage. Et puis ces matrices, l'arham, les matrices envers lesquelles Allah nous a ordonné de nous prémunir, Satan a voulu, cherche à tout prix à à modifier cette vision-là. Qu'il s'agisse de la matrice elle-même, bien sûr, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il nous ordonne de nous prémunir envers les matrices, ça peut être les matrices elles-mêmes dans lesquelles s'effectue la deuxième création, si vous voulez, de l'homme, ou des liens matriciels, c'est-à-dire la relation entre la mère et son fils, le père et son fils, les frères entre eux, les oncles, etc. Et en dehors du cadre de mariage, en dehors d'un acte légal en vertu duquel l'homme doit s'acquitter des droits de son épouse sur lui et elle doit s'acquitter de son époux sur elle, toute relation sexuelle est un irrespect de cette matrice. Une femme qui commet l'acte de chair avec un homme qui lui plaît aujourd'hui, puis s'en va chez un autre, dans un même utérus se déversent des spermes, des semences différentes au nom de la liberté, c'est qu'elle déshonore son utérus. L'utérus, la matrice, c'est quelque chose de sacré. Dans cette matrice s'effectue le secret de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela, bien sûr, que l'islam a interdit la polyandrie. Nous prémunir envers les liens matriciels, c'est les respecter. Satan a tout fait pour le relâchement de ces liens, pour le relâchement de la famille. Allah a recommandé à l'homme. Il a recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de son père et de sa mère. Mais il a privilégié la mère. Il a privilégié la mère en citant sa fonction biologique, psychologique et éducative. Allah, il dit dans la sourate 31, le verset 14, « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا » Nous avons recommandé à l'homme de prendre soin. Nous avons recommandé à l'homme de prendre soin de ses parents. Puis, juste après ce passage-là, Allah, il insiste sur la mère. Il dit, « Sa mère ne l'a-t-elle pas porté fatigue sur fatigue et mis 2 ans à le sévrer? Sois-moi reconnaissant comme à tes pères et mères, je suis la destination de tout. » وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Sois-moi reconnaissant, sois reconnaissant envers moi et sois reconnaissant envers tes pères et mères. Je suis la destination de tout, Allah dit dans cette sourate. Un homme se présenta devant l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui demanda, envoyé d'Allah, quelle est la personne qui a le plus de droit à ma bienveillante compagnie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ta mère. Et l'homme a dit, et ensuite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ta maman, ta mère. Et le prophète, l'homme a dit la troisième fois, et ensuite, et le prophète lui dit, ta maman, une troisième fois. Et puis l'homme a dit, et ensuite, le prophète a dit, ensuite ton père. 3 fois il a cité la mère, c'est-à-dire le triple, le droit de la maman sur son fils, sur son enfant, il est le triple du droit du père sur son fils. C'est un hadith authentique. Allah a insisté sur ce point. Juste après l'ordre de l'adorer, juste après l'ordre de l'adorer lui-même, il a ordonné à l'homme de veiller sur sa mère et sur son père. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate l'Isra, sourate 17, les versets 23 et 24, « وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » Ton Seigneur a décrété ceci, n'adorez que lui, agissez parfaitement à l'égard des pères et mères. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » Directement, juste après l'ordre de l'adorer, l'ordre d'être bienveillant à l'égard du père et de la mère. Agissez parfaitement à l'égard des pères et mères. La suite du verset, إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Il a dit, si l'un d'entre eux ou les deux atteignent chez toi le seuil de la vieillesse, ne leur dis pas fi, c'est-à-dire un mot, le mot, juste le mot fi, ou bof par exemple, ou ouf, ne leur dis pas fi, ne les repousse pas, mais tiens-leur des propos respectueux. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Abaisse devant eux l'aile de l'humilité en esprit de miséricorde et dit, Seigneur, garde-les tous deux en ta miséricorde, de même qu'ils m'ont élevé tout petit. Allah a donné à la mère un droit sur son fils et a donné au père un droit sur son fils, comme j'ai dit. S'ils sont pauvres ou n'ont pas d'abri, il est tenu de leur verser une pension. C'est ça la règle en islam, c'est comme ça. Si le père est pauvre, vit dans une condition de gêne, ou la mère aussi, leur fils, s'il a suffisamment d'argent, il doit obligatoirement, on doit prendre de son salaire une partie de son argent, si vous voulez, et on le donne obligatoirement à son père et à sa mère, parce qu'ils ont un droit, ils ont un statut en islam. Le statut du père et de la mère est clair en islam. Enfin, il est clair depuis la création de Adam. En principe, quand ils atteignent un âge très avancé, ils ne peuvent pas se tenir en main. Ça c'est, tout le monde le connaît. Et c'est chez leur fils qu'ils doivent être. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset qu'on vient de citer tout à l'heure, Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Si l'un d'eux d'entre eux ou les deux atteignent chez toi le seuil de la vieillesse. En principe, ils doivent être chez toi, normalement chez l'homme. En islam, on ne jette pas ses parents dans des maisons de retraite. On ne les laisse pas seuls, mais on s'occupe d'eux. On se rapproche d'Allah en veillant sur eux. Et ce qui s'est passé en Europe en 2003, la canicule, c'est l'homme normal, l'homme sensé, vraiment est révolté devant une telle situation. Des familles qui ne cherchent pas qui ne cherchent pas leurs parents. C'est vraiment des vieillards qui sont morts sans que quelqu'un, sans qu'il y ait de leurs nouvelles. Des gens qui n'ont pas voulu rater, gâcher leurs vacances, ils ont entendu que leurs parents sont morts, et ils n'ont pas voulu rompre leurs vacances pour aller s'occuper de leur enterrement. Des choses vraiment révoltantes. Et c'est pour cela que le musulman doit remercier Dieu remercier Dieu de l'avoir fait musulman. Ce n'est qu'après avoir eu des milliers de morts sur le dos qu'on se pose des questions sur le relâchement des liens familiaux et qu'on se pose des questions sur le statut du père ou celui de la mère. L'islam a déjà fixé cela. Pour revenir à l'islam et vous trouvez la réponse, vous trouvez la bonne réponse, c'est que les parents ont des droits sur leurs enfants. Quant au voisinage, on l'a remarqué, on a vu ça, chacun s'enferme chez lui et ne s'inquiète pas de l'état de son voisin. Chacun s'enferme chez lui, ne s'intéresse pas de l'état de son voisin. Alors que dans l'islam, la piété filiale et le bon voisinage sont des notions fondamentales. Je m'arrête ici et je continue ce sujet, inshallah, la prochaine séance. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.